il reste. C'est pour ça qu'on dit « etu sollin » il y a un seul « ya ». Et ce « ya » là, celui-là, c'est « ya » et « mouanas mukhataba » c'est « damir » celui-là. Et le « ya » du verbe, on l'a enlevé. « Falifan »« etu solliani fi rulfatikuma » celui-là, « yoni falisnein » Alhamdulillah, lakum. Donc là, celui-là, le ya là, le alif afon, on peut le mettre. Le alif, on peut le mettre. Et on met une fatha sur le ya. Donc tu dis, qu'est-ce que tu as cool ? Atusol yani. Vous voyez ? Donc là, le ya il tombe pas. Juste pour rajouter le alif. C'est tout, et on met une fatha. Et tout seul, yani, fi rulfatikuma. Ça, c'est spécifique au. Alif. Non, il peut suivre celui-là. Donc, est-ce que vous faites la salade tous les deux dans votre chambre ? Rabian, et tout seul, luna, fi rulfatikum. Faites-vous la salade dans votre rulfa. Donc là, comme on a dit, le yé, on l'a enlevé. Le yé, on l'a enlevé. À cause du waou jama'a. On dit, et tout seul, on ne dit pas et tout seul, yuna. خامساً أتصلين في غلفتكن. Donc attention là, le ya, c'est le ya du verbe. Et le nun qui est à côté, c'est nun niswa. Damir, nun tassil. Est-ce que vous faites la salade, c'est-à-dire à des femmes, dans votre chambre ? سادساً أيصلي في غلفته. Est-ce qu'il fait la salade dans sa rulfa ? Dans sa chambre ? سابعاً أتصلي في غلفتها لا هي هي ثامنا اي يصليان في غلفتهما est-ce que tous les deux font la salat dans leur chambre تاسعا اي يصلون في غلفتهم font-ils la salat dans leur rulfa عاشرا اي يصلين في غلفتهن est-ce que elles font leur salat dans leur rulfa dans leur chambre. La loun, c'est nous dit soir, Damir. Ashira ou Hadi Ashar, Houma, ils sont liés dans le masjid. Eux deux font un salat dans le masjid. Fani Ashar, Houm, ils sont loun dans le masjid. Ils font un salat dans le masjid. Saif Ashar, Houm, ou Houna, ils sont liés dans le masjid. Ahyanan. Elles font un salat au masjid de temps en temps. Ahyanan, c'est parfois. Ahyanan, c'est parfois. Pas souvent. Là. Souvent c'est Raliban. Raliban. Ah oui, c'est des fois. Pourquoi est-ce que la salade au Mosjid, pour la femme, c'est pas obligatoire. Et la salade dans sa maison est bien meilleure pour elle. T'as le Fanyan. Ça c'est le Moudaliya qu'on a pris. Vous voyez, c'est le Moudaliya qu'on a pris. Du verbe Salay ou Salli. Maintenant il va venir avec le Mardi passé. J'ai une question. Des fois, on me reprend quand j'ai de, on me reprend et on me dit, par exemple, un verbe, c'est un mot, et un alif. Des verbes comme ça. Ouais, ou un alif ? Ouais, j'avais un livre là, les singes, puis j'ai lu des verbes sur cette forme. Et là, je les prends de la base, là, on dirait, sur le bon. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ouais, sont conjugués, peut-être conjugués au passé. Si c'est celui qui attache au Jamara, au Mombadi ou Alam. Ça, c'est le Moudal, il y a celui-là. Thanian, Istami ou Raddin. Écoute et répète. Ana sollaytu fil masjid. Moi, j'ai fait la salat dans le masjid. Nahnu sollayna fil masjid. Anta sollayta fil masjid. Antuma sollaytuma fil masjid. Antum sollaytum fil masjid. أنتنا صليتنا في المسجد هو صلى في المسجد هما صليا في المسجد donc là on rajoute le alif al isnaïn صليا ou صليا صليا عفوا كيف فتح سلم تاسعا هما là c'est deux femmes صليتا في المسجد طيب البنتان parce que c'est pour deux femmes عاشرا هم صلوا groupe le masjid, c'est ça dont tu parles là? Ouais, c'est ça, oui. Le halif, après le jama'a, tout seul, il vient toujours. Mais ça, c'est à l'écrit, ça. Ça ne prononce pas, bien sûr. Et là, pareil, pourquoi on n'a pas dit on a enlevé le ya? Pour les mêmes raisons que Moudaria. Vous voyez, pour les mêmes raisons. Taïb. Hadi Ashar, Hunna, Sollaina, fil masjid. À la base, c'est Solla, comme on a dit, Solla. Et lorsqu'il s'attache à un damir, le alif se transforme en ya. Tu dis Sollaitu. Vous voyez, Sollaitu. Thalithan, Yakul, Stabdil Kama fil Namouzaj. Yakul, Anna, ou Solli, fil masjid. Ensuite, il veut mettre avec le damir Hua, ou Hua, Solli, fil masjid. معنى سهل تفضل الأول هي تصلي في المسجد نعم هما هما يصلي لا هي يست يصليان في نعم. المسجد هم هم يصلون في نعم في المسجد هن يصلين في المسجد يبدا فتح الفتح اسم ماضي يصلينا يصلينا نعم انت انت تصلي في المسجد انت تصلين في المسجد انتما يصل لا انتما سبايا المخاطب انتما تصلين لا انتما تصلين لا تصلين لا مش معقول ولا بقى جوست اجوت ان ليفان هون تصلين لا يعني انلفي جوست اجوت ايوه تصلي يعني فقط في المسجد انتم تصليون في المسجد لا تصلي لا يوم ما تصلون في المسجد نعم نحن نصلي في المسجد طيب رابعا اخي التدريب السابق بوضع الفعل صلى Maudia Yusolli. On fait pareil là avec le Mardi maintenant. Tfaddal. Le même, sauf que l'on fait Salah au Mardi. Via. Pas dur. لا عندك صليت لا يرتقى ساكنين دونك بيان بين لتر دونك كومون تو دي صليت ومغلب الحديث سكو لو تاك يان داير ساكن هي صليت في المسجد هما نعم هم صلين في المسجد نعم هن هن صلينا نعم أنت صليت في المسجد أنت

Al-Mudarrisu yatanawalu al-iftar. Al-Mudarrisuna yatanawaluna al-iftar. Maintenant, on voit Jam. C'est la même phrase. Al-Musafiru yaji'u min al-rihla. نعم المسافرون يرجعون من الرحلة نعم فأني المصلي يسجد لله المصلون يسجدون لله نعم ثالثا الموظف يعمل في مكتب البريد الموظفون يعملون في مكتب البريد الدارس يعرف القراءة Là, c'est la lecture, c'est plus kitab. Aïe, nom. Yazayr awren. Yassil gaden, inshallah. Yazayruna yassiluna gaden, inshallah. Al-darisu ya'lifu al-kira'a. Là, c'est plus kitab, c'est kira'a. Al-darisuna ya'lifuna al-kira'a. Nom. Aïe. On me dit, c'était simple, tu vois, c'est pas... Il y en a beaucoup, mais ils sont simples, alhamdulillah. Aïe. Tasi'an. Adib an asilatil atiya min al-hiwar. Donc, répond aux questions suivantes depuis le texte. Alors, c'est qu'on ira d'im. C'est un accord à l'asila, hatta takoun wadiha il jamia. Awalan, man samia al-muazzan yunadi li salah. Qui a entendu le muazzin appeler à la salat? Thanian, min ayyati raka'atin bada Muhammadun wa Abdullah al-salah. Donc de quel raka'ah, à partir de quel raka'ah, Mohamed Abdullah ont commencé la salat. Et là, ayya, avec le tamar mouta, c'est le même que ayyi. Et merci. Thalithan, kem raka'atan, salat ou l'asr. Combien de raka'ah dans la salat du asr? Rabi'an, ayyum al-awwal, lequel des deux est le premier? Un ruku' un sujoud, l'inclinaison ou la prosternation? Ben, Al-Sujoud, Al-Juloos. La consternation ou l'assise? Tamam. Ashiran. Hawwil kama fi an-namudhaj. Al-Maridatu tatayammamu lis-salah. Al-Aqil mata musanna. Al-Maridatani tatayammamani. Al-Maridatani. Al-Maridatani. تتيممان للصلاة دونك لي دو مالاد فون تيمم pour la salat. طيب المعلمات تركب الحافلة. L'enseignante monte dans le bus. كيف تقول؟ المعلمتان تركبان الحافلة. نعم. ثانيا الممرضة تساعد الطبيبة. دونك l'aide soignante ou l'infirmière aide le médecin femme. Thalithan, at-tabibatu tu'alju al-marida bi'idhnillah. Donc le médecin femme soigne la malade femme également. At-tabibatani tu'alli et si on met le marida ou moufanna, qu'est-ce que tu as marida ou féminin ou moufanna, qu'est-ce que tu as dit marida attention, il est mafoul bihi là. Al-moufanna, quand tu es mansoub, comment il est muradataini. Ah, مريضتين. طيب. رابعا الدارسات تتعلم اللغة العربية. Donc l'étudiante apprend la langue arabe. الدارستان تتعلمان اللغة العربية. نعم. خامسا الزائرات تشاهد المناظر. Donc la visiteuse contemple les paysages. Al-Mariidat tayammamna lis-salah. C'est la même phrase aussi. الأولى المعلمات تركب الحافلة. المعلمات جام فقط. المعلمات المعلمات تركب تركبنا الحافلة. كنت نعطي يركبنا نعم المعلمات يركبنا الحافلة نعم. عندك الممرضات نعم يساعدنا المريض نعم المريضه ولا يظن لا با توا سي لو ليغ لا سي فو كي سلا فون لا دي يوزون بيان في لا اي كومونس لا ميت لي زانفيرمير اك لي مالاد ام او تقول الله اي جي جو كومونس لا شي با بيتي علي اون فاجي نسينا غدا كواسيون ان شاء الله لوتر ديسكوز بون ان ضروره سي سي فيزابل مي بون لا اون ايبوك ان ضروره تو اكزرسيس اي ابري دي شوز كوم يفو. ثالثا الطبيبات يعالجن المريض المريضة نعم. رابعة الدارسات الدارسة تتعلم الكتابة donc l'étudiante apprend l'écriture. الدارسات يتتعلم الدارسات ايوه يتعلمن نعم يتعلمن الكتاب كتابة نعم. خامسا الزائرات تشاهد المناظر الزائرات يشاهدن المناظر نعم. طيب et là c'est quoi c'est la, ça c'est la conjugaison en fait là نعم par rapport à notre domaine correspondant par rapport au Moutada. الثاني عشر أكمل كما في النموذج كما نقول إبراهيم يصلي العصر entre parenthèses il veut qu'on mette Fatima Fatima تصلي العصر donc là on voit c'est que يصلي faut mettre avec le domir ou c'est entre parenthèses. أولاً فاطمة تصلي العصر نوفو الطالبان كيف تقول؟ الطالبان يصلين لا Tu rajoutes juste le yel nun, le alif et le nun afan. Yusolani. Là, tu restes le même verbe, tu rajoutes un alif et un nun. Yusoliani. Naam. Yusoliani al-Asr. Naam. Al-Bintani. Al-Bintani. Yusoliani. Là. Yusoliani. Naam. Rabi'an, al-Talaba. Jam Talib. الطلبة يصلي نعم يصلي أيوة سي سي تقول لا لون أيا صلي يصلي آه تقول لا لا كيف تيجي بس كيف تيجي لا تدخل تان سنتي أن أخر إلّا كان لا لا كنت سنتي تقول لا هلا الطلبة يصلي Hum. Je sais pas. C'est quoi le demi-heure qui vient à Hum quand tu l'attaches à un fiel? Hein? Il est le talif. C'est lequel le demi-heure? C'est le waou, non? Khalas! Aïwa, sauf que là tu mets le nom avec. Ça me doit rien. Aïwa, yusallun. Al-Asr. Al-Talibat. الطالبات لكن il n'y a pas de fatha. Sallina. Sallina al-Asr. Naam. Ana. Ana. Usalli. Naam. Al-Asr. Antum. Antum tusallun al-Asr. Al-Muhandisuna. C'est bien que tu as là-bas. Al-Muhandisuna. Aïwa. Al-Muhandisuna. Yusallu al-Asr. Yusalluna. Yusalluna. C'est quoi le problème ? Nahnu. Nahnu, nous sommes l'As. Hum, ah, regarde, trois fois de le même là, mashallah. C'est vraiment. Fait, t'as les asbab pour vraiment le réussir celui-là. Allez, vas-y. Hum, yusam, yusam, c'est le même. C'est le même que t'as là-bas, là, comment on dit ça ? C'est le même, mais pas de différence. Aya, Kul. Non, c'est un lem, c'est pas un nun. Salla. C'est un lem. C'est pas Yusun nun. Lem. Toi, t'as dit un nun, toi, à la place du lem, dans le verbe. C'est pas un nun, c'est un lem. Yusun. Aya. Yusun nun. Yusun. Yusun. Yusallu, c'est ça? Là, justement, t'as bien. Pourquoi tu mets un nun? C'est un lem, yusall. C'est pas yusall. Yusall, yusall, mais. Ah, t'as pas dit un lem, t'as dit un nun, toi. Yusall nun, t'as dit, toi. Non. Si, c'est pas ce que t'as entendu, toi? J'ai entendu ça. Ah, ouais, entendu un nun. Subhanallah. C'est fait où? Allez, dis-le. Hum, yusall. Mais après, c'est yusall nun. Tu vois, t'as dit un nun encore, là. Yusall nun. Là, pourquoi tu mets un nun avec un lem? Après le lem, directement le waouh. Ah, yusalloun. Yusalloun. Yusalloun. D'où il sort ce noun là? Yusalloun. Eh, range-le. Ce noun là, range-le. Ah. Il a rien à faire là. Hunna. Hunna. C'est même que le talibat. Nam. Enta. Enta. Tu salli? Non. Anti? Anti, tu salli, Naras? Et le 13, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ah, je m'en laisse. Ça y est, ben. Salis Achar, 13e mot. Imel Farara, Bikelimet il Mounasiba. Donc là, ça vous trouvez les mots de vous-même et complétez les phrases. Adal Yerazi, Inch'Allah. Nakral le Jumel, Hatanara, Annakum Fahintumouha. Tu salli les musulmans, fi. Le mot à mettre. Fanien, yakul l'imam, un des recours. Qu'est-ce qu'il dit l'imam? Là, vous mettez la phrase qui dit l'imam, un des recours. Au moment où il fait recours, qu'est-ce qu'il dit? Salisan, sola, fara, afdalou min solat, ahadikum, fara. Donc la salat kaza kaza est meilleure que la salat de l'un d'entre vous, kaza kaza. Rabian, el muazzilou, fara, dis sola. Donc celui qui fait l'appel à la salat, la salat. Khamisan, yakra'u, farah, khutbat al-jumu'ah. Donc, quelqu'un récite la khutbat al-jumu'ah. Sadisan, farah, yakifu na khalf al-imam. Donc là, c'est waqaf yakifu, c'est venir se tenir debout là. Donc là, il y a Mohamed, c'est une debout derrière l'imam. Sabi'an, intaha Abdullahi, farah, al-wudu'i. Tabi'u. Donc Abdullah a terminé le wudu. Faminan, ista'adda Muhammadun as-salah. Donc Muhammad s'est préparé la salah. Tasi'an, zahaba Muhammadun wa ila al-masjid. Donc Muhammad et ont été au masjid. D'accord ? Donc c'était long, mais c'était simple, comme je l'avais dit. Il n'y a pas tout vraiment. Après quelques fois, comment est-ce qu'on fait qu'un verbe qui est mortel à rire, celui qui a un ya à la fin, comme on fait lorsqu'il y a un Jamara qui vient, ou un Lifalithnen qui vient, ou un Nunisoa qui vient, ainsi de suite. Vous voyez ? Pour demain ? Non, il y en a deux. Je suis là. Nous sommes tous ensemble. Et un, deux, divers avant.